Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Calvin Winson du duo Hot et Cal. Salut. Salut Calvin, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'avais deux ou trois anecdotes en fait de ouais. Galère. De galère qu'on a vécu donc avec Atman, donc Zatis, pour les gens qui ne connaissent pas le prénom de Zatis. C'était à nos débuts, je crois que c'était en 2016. On avait joué donc à Pigalle, oui. Dans une petite salle. C'était au Sonar, en février précisément, et on avait joué là-bas. C'était un plateau qui s'appelait le plus petit cabaret du monde. Ah! D'accord, en opposition à l'émission de Patrick Sébastien, le plus grand totalement, cabaret du monde. Totalement. On a joué là-bas, on avait joué une première fois dans un petit théâtre vers Brancion, dans le 13e, si je me rappelle bien. Et du coup, on a joué et c'était en fait le public qui choisissait la personne qui avait le mieux joué de la soirée. Donc c'était un peu pas facile quand même. Ouais, il y avait un petit enjeu, quoi. Ouais, c'est dangereux quand même. On avait gagné et ils nous ont dit, bah, prochaine date, vous remettrez votre titre en jeu. Donc, on a rejoué la deuxième date et ça a changé de lieu. C'était au Sonar maintenant. On arrive au Sonar. Déjà, on arrive dans la salle. Il y avait plus d'humoristes que de public. Ça arrive souvent, ça. et du coup, nous, on était là avec notre délire. Et à nos débuts, si tu t'en rappelles, on faisait des déguisements habillés en daron africain. Et puis voilà. Oui, voilà, vous prenez les clichés un peu sur les communautés africaines et vous les jouez à travers vos personnages. Voilà. Voilà, et on en parlait et on essayait de faire rire dessus et de donner un message à la fin. Et du coup, on a fait ça, mais maintenant c'était face à des gens de 40-50 ans qui venaient de Paris-Centre, qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on voulait faire. Donc personne ne rigolait. Aïe. C'était long, mais c'était long. Long et long, je pense que tu sais, quand tu flops 5 minutes, c'est lent, et quand tu joues bien, ben, c'est rapide. C'est ça. Le temps est relatif selon la réception du public. Totalement. Et du coup, on le joue, on joue, on joue, on joue, c'est lent, on arrête. Et c'était la première fois que, je pense que tu connais Franjo. Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'il montait sur scène. Et on le voit jouer. Et lui, il avait directement que sa guitare, lui. C'était en mode, il faisait que des chansons à ce moment-là. Des chansons humoristiques. Il le fait, il tue tout, parce que ça leur parle. Et il clash un peu tout le monde. Donc il monte, il le fait, ça sonne bien. Avant ça, il y avait un magicien, tu connais les magiciens. Avant ça, il y avait un hypnotiseur, mais bon, voilà. On joue, à la fin, ils disent, bon, vous avez choisi qui? Ils ont tous choisi Franjo. Ouais. Et le mec dit bien que Ben... Oh là là, ben vous savez que la date d'avant, ben c'était Hot et Cal qui avait gagné. Hein. Et ah, donc il a en mode, comment ils ont gagné eux? Oui, le public il comprend pas. Voilà, mais c'est dommage parce qu'il y a un rendez-vous qui s'est raté quelque part. Vous étiez pas, c'était pas votre public, vous étiez pas leurs artistes. Voilà, vous correspondiez moins à ce qu'ils regardaient, quoi. Vous êtes peut-être plus dirigé vers un public un peu plus jeune, quoi. C'est pas que c'est plus jeune, mais c'est plus un public multiculturel en fait. C'est pas réellement plus jeune parce que nous, dans notre spectacle, maintenant, ça fait combien? Ça fait depuis 2015 qu'on a notre spectacle, donc bientôt 6 ans. Ça fait 4 ans réellement, 3 ans qu'on est produit. Donc, on est dans des salles maintenant, des vrais théâtres. Il y a de tout. Et depuis qu'on est à l'Apollo Théâtre, donc depuis 2 ans et demi, il y a des gens qui sont abonnés à l'Apollo Théâtre et qui viennent voir des spectacles comme ça. Il y a de tout. Il y a des personnes de 50 D'accord. ans qui viennent en famille, des gens de province. De Bordeaux, okay. de Lyon, il y avait une famille de Marrakech qui était venue nous voir. Ah, c'est beau. Du Djibouti. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, il y a de tout. C'est-à-dire il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Asiatiques, Maghrébins, D'accord. il y a de tout. Et est-ce que tu penses tout. Que, du coup, ça vient du fait que peut-être à l'époque, vu que vous débutiez, peut-être Donc, vous n'aviez pas, ouais, pas encore trouvé le moyen d'accrocher tout le monde, en fait, au final. Je pense aussi. Et je pense aussi, c'est, on a fait aussi un travail pour ça. Parce que avant, c'était vraiment du cliché, on rigolait, on tapait, surtout, tu vois. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé en fait un message, et ça, c'est grâce à notre producteur, Prince Calixte, et qui est aussi notre metteur en scène. il nous a donné un message à transmettre, c'est-à-dire le message de tolérance et le message de, malgré les différences de religion, malgré les différences de culture et autres, on reste français. Et c'est ça aussi, je pense, qui a touché aussi tout le monde, en fait. Parce que tout le monde peut se sentir visé, parce que quand c'est un message français, en gros. D'accord, oui, c'est un message d'unité, quoi. Voilà. Et on a travaillé dessus. Et je pense qu'en travaillant dessus, ça nous a ouvert un public un peu plus large, je pense. Après, il faut dire les choses, l'Apollo Théâtre, c'est bien placé. C'est nos réseaux font le travail aussi. C'est-à-dire je crois que c'est à République. Oui, c'est à République. D'accord. C'est à République. La com de nos réseaux marche bien. Après, il y a aussi la com de Biéréduc, où on a des très très bons commentaires. Mm-hmm. Ça reste un spectacle familial, on n'a pas de gros mots. Donc, du coup, en fait, on ratisse large, clairement. Juste en mettant que c'est un spectacle familial, on ratisse large. On ne ferme pas de porte, il n'y a pas de. Les parents qui ne viennent pas parce que, ouais, peut-être que ça va parler de choses, tu vois. Mm-hmm. Ça veut dire des gros mots. Nous, c'est vrai que ça ratisse vraiment large. Quelque part, peut-être que justement, ce genre de galère que vous avez vécu vous a poussé à apporter un message après dans votre spectacle. Ça vous a poussé à améliorer un petit peu le message que vous délivriez au départ, tu vois. C'est le genre de galère que j'aime bien parce que c'est des galères positives au final, parce qu'elles permettent d'évoluer. Totalement. Je pense que ça nous a mis. En fait, il faut dire les choses, on n'a pas eu des grosses, grosses, grosses galères. Je pense qu'on a eu des situations qui étaient des situations de galère quand tu joues dans une chicha bizarre et que voilà. Mais on a entre guillemets réussi à rebondir après très rapidement, sans prétention. Je dis beaucoup aux gens qui nous envoient des messages, que ce soit à moi ou Hotman, en disant « Ouais, j'aimerais monter sur scène, est-ce que vous avez des conseils ?» Ben, je leur dirais en fait, nous, le conseil qu'on peut donner, c'est le conseil que n'importe quel artiste va te donner. Mais après, si tu veux faire comme nous, parce qu'il y en a qui nous disent « Ouais, j'aimerais bien faire ça, comme vous, tout ça », je leur dirais que c'est… En fait, chaque histoire est propre, en fait. On ne pourra pas dire aux gens de faire comme nous, parce que nous, en fait, c'est les situations, c'est comme n'importe quel artiste. Hein. Mais c'est les relations, les contacts, être là au bon moment. Ouais, vous vous êtes forgé, en fait, selon votre vécu, quoi. Voilà. Parce que c'est ce que beaucoup de gens disaient sur nous, ou des gens nous posaient, donnaient des conseils, entre guillemets, des conseils qui pouvaient aussi nous mettre un coup bas, hein, vraiment, c'est pas facile. Mais c'était en mode, le noir et l'arabe, c'est déjà vu. Le noir et l'arabe, c'est déjà fait, tu vois. Ouais, vous avez dû vous battre contre ces préjugés, quoi. Bah, totalement, parce qu'en fait, quand nous, on y croit, et que tu es seul à y croire, et qu'avant, on n'était pas du tout produit, et qu'on faisait comme tout le monde, on essayait d'aller jouer dans plein de scènes ouvertes et tout ça, qu'à la fin, dans certaines scènes ouvertes, on disait que ouais, mais là-bas, non, vous n'allez pas réussir. Ou le noir et l'arabe, mais non, faites pas ça, parlez pas en tant que daron, c'est des clichés, ça marche pas, ou ça va pas marcher. Et nous, on s'est battu, tu vois, pour ça, pour dire que, en fait, nous, on avait un sujet à donner, et c'est ce qu'on aimait faire, et c'est ce qu'on sait faire, entre guillemets. C'est ce qu'on savait faire là maintenant, avec un plus de travail, on sait un peu faire d'autres choses. Mais au début, c'était vraiment ce qu'on aimait et savait faire. Et du coup, c'était vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est des galères, c'est des situations qu'on fait qu'on s'est remis en question. Et on a travaillé. Après, on a été têtu. Parce qu'il y en a qui auraient pu lâcher, hein, je ne le cache pas. En plus, on est un duo, donc il faut travailler avec les sauts d'humeur de la personne d'à côté, tu vois. Ou même la peur de la personne. Moi, en l'occurrence, moi, j'avais un peu cette peur-là. Et c'était pas facile. Parce que je me dis, si telle personne connue me dit que c'est bizarre, il faut changer, il faut faire ça, est-ce que vraiment on est prêt, tu vois ? Parce que lui, il dit ça, il connaît, apparemment. C'est un travail, je pense, la remise en question, elle est permanente pour tous les artistes. Et vous, vous partiez dans une voie qui n'était pas forcément toute tracée, parce qu'au contraire, on essayait de vous décourager et tout. Mais je pense que c'est la sincérité qui joue, tu vois ? Même si tu fais quelque chose que tout le monde a déjà vu, si tu le fais avec ta patte, et avec ta sincérité, tant que tu n'essayes pas de te dénaturer, tu vois, tant que tu es sincère dans ta démarche, je pense qu'il y a un public pour tout. Donc, c'est une histoire de persévérance, de travail et de sincérité. Tu as totalement raison, on a été sincères. Et après, comme je dis souvent avec des gens qui nous envoient des messages ou autres, ben en fait, nous, à la base, on est là pour se faire rire, en fait. De base, on veut juste se faire rire. Tu vois le truc ? D'accord. Donc nous, c'était juste d'abord, est-ce que ça nous fait rire? Oui, ok, ben on le met, on le fait, et après on verra ce que ça va donner. Bah, tu me rappelles un petit peu ce que disaient souvent Kian Kojandi et Navo par rapport à Bref. Tu vois, ils disaient que à la base, ils ont voulu faire un projet qui leur ressemblait et qui leur plaisait à eux. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré le succès, mais ils n'ont pas essayé de plaire aux gens à la base. Donc c'est là, c'est encore plus sincère que qu'au départ. Quand tu te dis, je vais faire ce qui me plaît à moi, je vais prendre du plaisir moi, et puis bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, je me serais fait plaisir, quoi. Bah c'est ça, c'est faire rire, c'est faire kiffer, tu vois. Avant, on était trop dans les... Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient dans les calculs. Je pense que quand tu calcules trop, tu t'y perds parce que de base, t'es là pour faire rire, en fait. Et t'es là pour te faire rire aussi. Rire avec les gens, en gros. Donc si tu commences à Ouais. calculer de ça va faire rire, ça va faire rire, et bien du coup, ça fait pas rire, bah, en fait, c'est ça. Bah, ça remet tout ton monde en question, là, en fait. Ça manque de naturel au final, hein. Et les gens veulent du naturel, ils veulent un vrai. Tu vois, je pense que ce que les gens aiment dans le stand-up, enfin, je parle du stand-up, vous, c'est pas réellement du stand-up, vous, c'est plus du personnage et tout. Je pense qu'il y a une partie stand-up quand même aussi. Oui, totalement. Voilà. Mais ce que les gens aiment dans le stand-up en général, en tout cas, ou dans l'humour, c'est quand ils ont l'impression que c'est naturel, que c'est sorti sur le moment, tu vois. Surtout pour le stand-up, bien sûr. Quand tu es devant les gens et que tu leur parles, ils veulent avoir l'impression, même si, bien sûr, en y réfléchissant, ils savent que tu as préparé ça depuis des mois et des années, peut-être, mais ils veulent avoir l'impression que tu leur sors ce qui vient dans ton cerveau à l'instant. Oui, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Et après, je te cache pas que si ça marche toujours autant, c'est parce que aussi... Ils ne captent pas, ils sont vraiment dans. Pour eux, c'est pas travailler. Il y a des gens qui sont D'accord. connus pour ça et il y en a jusqu'à maintenant, ils se posent des questions. Est-ce que c'est préparé ou pas préparé? Tellement c'est tellement bien travaillé, tu vois. Bah, c'est la difficulté, c'est la plus grande difficulté en fait, c'est donner l'impression que c'est facile, c'est-à-dire faire tellement travailler que il faut donner l'impression que c'est facile et que c'est inventé sur le moment, mais ça demande tellement de travail. Il faut en fait tellement travailler que tu donnes l'impression de ne pas avoir travaillé. Totalement. Et ça. Ça fait toute la différence parce qu'évidemment, si tu ne travailles pas et que tu y vas, là par contre, ça va sentir que c'est bâclé et tout. Mais quand tu travailles tellement fort que les gens ont l'impression que tu sors tout sur le moment, là les gens ont l'impression d'être avec un bon pote en fait. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau quand les gens viennent te voir et te disent ce soir, j'ai passé une super soirée, j'avais l'impression de discuter avec toi comme avec un ami et tout. C'est génial quoi. Mais c'est ça quand tu arrives à vraiment mettre un bon mood dans la salle et à être vraiment à l'aise en fait avec le public. C'est ça, c'est comme on dit, c'est quand tu atteins ton prime en fait. C'est ça. Mais c'est ce que disait Dedo dans un autre podcast, dans le podcast Donc voilà quoi de Sébastien Marx. Il disait, il n'y a pas meilleur compliment pour moi qu'un spectateur qui vient me voir à la fin et qui me dit, j'ai l'impression d'avoir passé une soirée entre potes. C'est vraiment ça. C'est quand tu es Oui. à l'aise réellement avec le public que tu te permets des trucs et que comme ils disent les gens, il y a une magie qui s'opère en fait. C'est ça, hein, c'est du partage, c'est de la magie, c'est une conversation avec le public. Les gens sentent, en fait, c'est-à-dire ils savent que vous jouez pour tout le monde, mais ils ont l'impression que vous jouez juste pour eux, tu vois. Ouais. C'est beau quand on arrive à faire ça, mais bon, c'est au bout de plusieurs années, comme tu l'as dit, ça a demandé du temps avant d'y arriver, Totalement. mais c'est Totalement. bien, franchement, vous pouvez être fiers du chemin parcouru, quoi. Ouais, mais après, c'est pas fini. On est encore je pense qu'on est juste à la moitié. Je pense qu'on doit atteindre encore pas mal de choses. Et après, malheureusement, il y a le Covid qui nous a un peu coupé dans notre élan. Mais je pense qu'on va continuer à travailler après l'ouverture, si Dieu veut. Mais. Oui, c'est ce qu'il faut, hein, Inch'Allah. Comme on dit, voilà, il va falloir se remettre en selle et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une attente du public. Les gens nous attendent, tu vois. Il y a une frustration de ne pas pouvoir aller au spectacle. Donc dès que ça va reprendre, les gens seront là. Ouais, je sais. Nous, en plus, directement, on part en tournée. Donc, on va tester directement ce qui se passe en France, entre guillemets. Donc, on va vraiment prendre la température et repartir après sur Paris, directement après. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais on va retravailler. Hein. C'est du boulot. On va changer avec pas mal de choses parce que le monde a changé entre-temps. Hein. Pendant ces deux confinements, enfin, ces trois confinements, il y a des choses qui sont passées dans le monde, en France. Les bavures policières, les George Floyd, Black Lives Matter, il y a plein de choses. Et vu que nous, on est totalement dans ce genre de thème dans le spectacle, donc c'est limite si on va faire un spectacle Hypocrisie africaine, mais 2.0, quoi. Oui, un spectacle qui évolue avec son temps, quoi. Totalement. On a toujours fait ça, mais là, c'est vrai qu'il y aura un peu plus d'impact, je pense. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu beaucoup de temps qui est passé aussi. Donc, Totalement. Eh ouais, forcément, ça fait évoluer. Il y a beaucoup d'artistes qui se posent la question si leur spectacle sera toujours d'actualité et tout. Ben, je pense qu'on aura tous une petite remise en question. Il y a ceux qui devront changer une partie de leur spectacle, il y a ceux qui devront complètement le changer, et il y a ceux qui ne faisaient pas des blagues, tu vois. Temporellement bloqué, on va dire. Donc, on pourra espérer qu'ils reprennent le spectacle tel quel, avec peut-être quelques petites évolutions, mais ce sera à chacun de sentir si son texte correspond toujours à l'époque ou pas. Ouais, c'est vraiment ça. Faudra se remettre en question, tout simplement. Et peut-être que d'ici là, on aura de nouvelles galères, justement. Ah, possible, hein, dans le monde dans lequel on vit, là, ça va tellement vite maintenant. Eh Peuvent bien oui, trouver un quand le. Covid-21 et puis c'est fini, hein. Ah ben là, ouais, malheureusement, ça fait trop flipper. Mais je pense que quand on reviendra sur scène, on aura peut-être les galères de reprise de scène, tu sais, avec genre, Totalement. ah ben, j'étais persuadé de me souvenir de mon texte et finalement je l'ai oublié ou je sais pas, tu vois. Ah, c'est sûr qu'on va sûrement beaucoup parler avec le public et partager avec eux parce que y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment, en fait, les cartes sont remises en jeu, en fait, tout simplement. C'est ce que je disais avec un ami à moi, les cartes sont remises en jeu là. Ah oui, totalement. Et là, il y a beaucoup d'artistes qui ont émergé grâce au confinement et tout, qui se sont renouvelés un petit peu grâce à des vidéos et tout. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont disparu parce que la crise les a vraiment mis à terre et peut-être que c'était pas, enfin, peut-être qu'ils avaient des doutes sur est-ce qu'ils veulent réellement faire de cette passion leur métier ou pas. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah là, ça m'a découragé, quoi. On a vraiment de tous les profils, mais je pense que ça a redistribué les cartes, en effet, dans le monde de l'humour. Non, mais c'est totalement ça. Et donc, sans parler de galères futures, parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve, on peut toujours parler des galères passées. Tu m'as dit que tu avais donc une ou deux autres anecdotes. J'avais une anecdote aussi, c'est ça, on en parle souvent, même dans les interviews TV ou autres. C'est une anecdote, en fait. On a fait le concours candidator, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Le candidator, on l'a fait, on avait fait le premier tour, ça s'est bien passé, on était pris, on a été qualifié. Directement les demi-finales, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les cartes, c'était directement les demi, grâce D'accord. au jury, au théâtre Les Feux de la Rampe, qui est fermé d'ailleurs. Oui. Et on est rentré, on devait jouer les demi-finales, mais moi j'étais en stress parce que j'avais ma mère qui devait venir, ma soeur, mon père et tout ça. Et Hotman aussi attendait des amis. Donc j'étais dans la galère, et après on devait passer directement en premier. Ah oui, donc Et ça du c'est coup on compliqué en joue, plus. c'est très compliqué, et on joue, et c'est compliqué pourquoi? Parce que dans la salle, il y avait beaucoup de gens de province, mais âgés maintenant, parce que c'était vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Je pense que tu te rappelles, si tu as regardé Candidator, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ouais, Et bien c'était sûr. à l'époque où René Marc, il avait commencé à ouvrir le Candidator aux provinces, c'est-à-dire qu'il allait faire Lyon, Oui. Marseille et tout ça. Donc il y avait beaucoup de gens de province, mais il y avait aussi des humoristes qui ça fait 20 ans qu'ils font ça, et ils étaient juste connus au mode localement. Et là, ils montaient sur Paris, donc ils ont ramené toute leur famille. Des gens de 50 ans, mais maintenant de Marseille, des gens de 50 ans, mais de Lyon, des gens de D'accord, 50 ans ouais. de Sochaux. Donc c'est une C'était double. rempli de personnes comme ça, et c'était un public Ouais. très compliqué. Ouais, Et on c'est une double commence en premier. difficulté parce que l'âge fait que des fois ils vont pas comprendre votre univers et puis en plus ils ont peut-être pas les références que vous allez utiliser, ils ont pas la même vie en province qu'à Paris, Totalement. tout ça. Donc ouais, Et c'est compliqué. nous, on n'avait pas pris de recul parce que nous, c'était à nos débuts, c'était en 2015. Eh C'était oui. bien avant qu'on fasse notre premier spectacle, c'était bien avant de toute cette expérience qu'on a pris maintenant, qui font qu'on peut assumer une tournée. Ah, nous, on ne connaissait pas ça, ce public différent parisien, en fait, différent du public parisien. Donc, du coup, c'était compliqué. Et moi, j'avais le stress que ma mère arrive à temps. Donc, j'étais vraiment pas dans le match, comme on dit. Et j'arrive, Ouais. et moi, je commence en premier, comme tu le sais. Enfin, maintenant, ce n'est plus le cas, mais je commence en premier. Et je rentre habillé directement En en boubou. daron africain, donc les gens ne comprennent pas. J'envoie directement, ça prend vite fait, et tu vois des sourires, mais tu vois pas de rire en fait. T'entends pas de rire, que des sourires. Ah. Et le Ouais. problème, c'est que Théâtre Feu d'Armes, je sais pas si tu connais la grande salle, c'est très sombre. Ça éclaire, mais vraiment que toi, et le public, tu le vois vite fait. Ouais. C'était compliqué. Et Hotman qui rentre, pareil. On rentre à deux, là ils sont un peu plus contents, parce que là ils ont, ah, on a compris ce qu'il voulait dire en fait. Donc là, il dit, ah oui, c'est vrai. Donc en fait, ils clashaient les Arabes réclashaient les Noirs, et après, ils se revoient et ils font l'hypocrite. D'accord, ok, merci beaucoup. Fin, ça s'est mal passé, entre guillemets. Et puis, le truc, c'est que dans les jurys, il y avait des bonnes personnes, des personnes importantes, entre guillemets. Et ils nous ont donné des conseils à la fin, c'était super cool, mais on n'a pas été pris. Et d'ailleurs, le Ah. concours, sans pour dire, mais toutes les personnes qui ont gagné, j'ai jamais suivi, en fait, les gens, mais bon, j'ai pas compris, en fait, ce qu'on gagnait réellement, en fait. Avec ce concours. Sais pas, je pense que c'est de la visibilité ou un truc comme ça. Bon, Je sais pas, parce que j'ai jamais compris. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un bon. C'est bien pour démarrer, j'ai l'impression. Pour se Oui, c'est un bon tremplin, mettre oui, c'est face sûr. à un Oui, public qui n'est pas le sien. bah, c'est un bon truc pour mettre ça sur le CV, vainqueur du candidator et tout. C'est quand même, c'est oui, ça fait, c'est une espèce de validation pour faire d'autres scènes, tout ça, quoi. Ouais, ça peut être intéressant. Donc, on le fait. Et moi, maintenant, donc on a perdu. Ma mère était quand même là, ma soeur aussi. On sort et on attend mon père. Et mon père, il revient et il nous dit, alors, c'était comment le concours? Et moi, je lui dis, oh, ça s'est pas trop bien passé. Et mon père, avec sa grande voix et son accent un peu congolais, et qui dit, mais comment ça? Comment ça, vraiment? Moi, ça fait, j'ai prié des heures à l'église. Oh, le pauvre. Je jure, le pauvre, il est parti à l'église pour prier pour nous et on est échec. Ah, bah écoute, bah, il a prié Dieu, mais aujourd'hui le succès est là. Donc, quelque part. Comme on dit, chaque chose en son temps et c'est Dieu qui gère le temps, donc pour les gens croyants, donc il n'a pas Exactement. prié pour rien. Exactement. Bah, c'est quand même beau l'amour d'un père comme ça et l'inquiétude qu'il a pour son fils et son complice de scène. Mais c'est beau d'avoir le soutien de sa famille comme ça. C'est quand même une très bonne chose, quoi, parce qu'il Ah y a oui. des gens malheureusement qui des fois ne peuvent pas avoir leur famille avec eux dans la salle et tout. Et c'est dur. Surtout dans ce genre de concours, je parle pas spécialement du candidateur, bien sûr, mais dans le genre de concours où c'est le public qui vote, je trouve que c'est toujours compliqué parce que, par exemple, tu vois, moi, mon cas personnel, j'évite de déranger mes amis, tu vois. C'est-à-dire, si je dis à mes amis, venez me voir, je préfère leur dire, venez me voir pour mon spectacle. Mais j'ai pas envie de leur dire, payez une place à, je sais pas moi, à 15 ou 20 euros pour venir me voir 5 minutes et voir 14 autres personnes que vous connaissez pas, tu vois. Et c'est dur. Donc, moi, j'évite. En général, même, je fais exprès de n'appeler personne. Moi, en fait, j'ai une technique, entre guillemets. Je sais que je gagnerai jamais ce genre de plateau-là parce que, justement, je n'amène personne. Je fais exprès de n'en parler à personne. Je vais directement sur la scène. Du coup, je sais que j'ai zéro soutien dans la salle. Et après, en fait, c'est un challenge personnel. Je sais que je ne gagnerai pas, mais c'est pour voir un peu le niveau où j'en suis, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait un autre concours une fois qui était sur le même système, tu vois, et j'ai donné le maximum. J'avais zéro soutien dans la salle. Ça s'est très bien passé, j'étais très content. Et à la fin, on m'annonce que j'ai perdu à une voix près. Et voilà, ben, donc tu vois, c'était pour moi, je savais que j'allais perdre, mais bon, là, j'avoue que c'était frustrant de perdre à une voix près, j'avoue. De ouf. De ouf. Mais surtout que le mec qui a gagné, en fait, il avait ramené les trois quarts de la salle. Ouais, je Tu vois. vois? Donc moi, en fait, je vois plus ce genre de concours comme une occasion de faire des rencontres artistiques et comme une occasion de me jauger un peu, de voir où j'en suis, tu vois. Et c'est toujours satisfaisant de se dire que tu finis dans les trois premiers, mais que tu as zéro soutien dans la salle, quoi. Ça c'est cool, c'est parce que tu essayes de voir si tu peux renverser la vapeur ou pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Ben, j'étais à ça de la renverser, à une personne près. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'y allais le cœur léger parce que je savais. Alors que si j'avais ramené, tu vois, voilà, c'est ça en fait. C'est que si j'avais ramené tout le monde avec moi et que finalement j'avais perdu quand même, je me serais senti, tu vois, redevable un peu et gêné de, oh, je suis désolé, je vous ai fait déplacer presque pour rien et tout. Après, les gens vont te dire, mais non, on était contents d'être là, tu vois. Vous, vos familles sont venues, vos amis sont venus, ils étaient contents de venir vous soutenir. Mais je Ça. pense que si vous aviez gagné, vous auriez été encore plus fier qu'ils soient là, quoi. Oui, non, mais après, c'est vrai que ça fait mal de perdre ce genre de concours devant sa famille, mais après ça, c'est vrai qu'on a plus ramené nos familles pour nos dates, des dates importantes. On a toujours fait ça, parce qu'avant, on avait joué dans une salle de 300, c'était la première fois qu'on jouait dans une salle de 300, dans un vrai théâtre, donc on a ramené nos parents. Notre première date de notre spectacle, on a ramené nos parents. Pour la Cigale, on était obligé, ça reste une salle mythique. Donc, pour vraiment les dates vraiment importantes. Ce Oui, les concours-là, dates vraiment. symboliques et tout. Ah non, mais Ouais. c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, hein. Quand c'est un symbole et que c'est des salles importantes, c'est sûr que là, on appelle nos parents. Oui, Mais voilà, pour pour. leur montrer que c'est une étape que vous venez de franchir, quoi. Ben, c'est surtout pour montrer le travail. Comme ils étaient là au début, c'est vraiment montrer qu'on a évolué, qu'on évolue. Regardez, maman, avant, c'était des salles de 70, maintenant, on remplit des salles de 1000 personnes. C'est beau, c'est histoire de montrer que, tu vois, je vous ai pas embêté pendant un bon moment. Maintenant, revenez, vous inquiétez pas, le produit est beaucoup plus mûr aujourd'hui. Donc, venez voir, venez être fier. Parce que si ta famille vient te voir à chaque représentation, il y a un moment, il va y avoir de la lassitude. Donc, c'est Totalement. bien, voilà, c'est bien après de les faire venir quand il y a vraiment un step qui a été franchi, quoi. C'est bien, je comprends. J'ai la même mentalité que toi, tu vois. Ouais, c'est totalement ça. On essaye toujours de montrer l'évolution et de montrer qu'on arrive à grandir et que les DVD ou qu'on regardait à la télé où le mec jouait à l'Olympia, il jouait à la Cigale ou autre, ben, aussi on essaye de suivre ça et de vous rendre fiers en foulant ces planches-là. Eh ben c'est très très beau, vraiment très belle mentalité. Si tu veux, on se laissera la troisième pour un petit épisode retour, un de ces quatre, ou peut-être que c'est Hotman qui nous la racontera Avec plaisir. lorsqu'on pourra faire l'épisode. Voilà. Merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, calvin.winson. Après, sur Snapchat, calvin-du-bas Winson. Et puis, vous pouvez me retrouver bientôt en spectacle, normalement, Oui, avec avec plaisir. Hotman. Oui. Et Page Facebook peut-être ou. Facebook, non. Enfin, si on a une page, OTCal, D'accord. OTH, et il y a après le truc là, et Cal. Voilà, Cal. D'accord. Et peut-être Twitter, YouTube? YouTube, je suis en train d'ouvrir ma chaîne, Ouais. mais pas encore. Et Twitter, c'est Calvin Winson aussi, c'est la même chose. Ok, bon bah du coup je mettrai la page Facebook Otecal, ton Instagram à toi, bon, je rajouterai l'Instagram d'Otecal pour que tant qu'à faire, et je mettrai le lien vers Twitter aussi. Ok, y a pas de souci. Voilà, bon bah nickel. Eh bien merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.